Le Canadien est sur la côte ouest ce soir. Il va affronter les Oilers d'Edmonton, deuxième d'une série de deux matchs. On va parler avec notre collaborateur Yves Racine. Salut Yves. Ça va bien. Ça va très très bien. Ça va mieux que le Canadien, Yves. Ça va pas bien de ce temps-ci. Hein? Non, c'est sûr que c'est pas facile présentement. C'est certain que je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Je suis confiant que la chance, ils n'ont pas vraiment la chance de pratiquer souvent. Donc, les nouveaux joueurs ont pas la chance de créer une synergie entre eux autres. Donc, jusqu'à tout juste des matchs que tu voyages beaucoup. Donc, je pense que c'est pas facile pour les joueurs. Mais ce qui est important, ils ont une équipe d'expérience. Ce qui est important, c'est de faire des séries. Puis dans les séries, je pense que l'expérience, c'est vraiment là qu'on va l'avoir, qui va être profitable. Es-tu inquiet pareil pour la saison, pour le reste de la saison, de la manière que ça joue? Ben, c'est sûr qu'il va falloir qu'il commence à gagner bientôt, là, parce qu'il ne peut pas toujours perdre de même. Il va avoir l'avance sur Calgary. Là, mais je pense qu'ils vont se replacer. C'est sûr que la blessure de Price, je ne pense pas que ça l'aide. Ouais. Allen, je trouve, depuis qu'il est là depuis deux semaines, mais il semble moins confiant qu'il l'était en début d'année. Peut-être qu'il sent la pression qu'il doit performer. C'est facile de jouer un match de temps en temps, mais quand tu joues à toutes les games, faut que tu performes. Quand l'équipe va pas bien, mais c'est sûr que le gardien de but sent plus de pression. Donc, lui aussi, je pense qu'il est capable de mieux jouer, mais l'équipe en l'ensemble doit mieux jouer, puis il faut qu'il y ait vraiment là, une urgence de gagner. Je pense que le dernier match, on l'avait vu dans les deux premières périodes contre Edmonton, je trouvais qu'il jouait quand même assez bien. Ça s'est gâché à la fin du match, mais il faut qu'il parte fort, ça, je pense que c'est très important. OK. Si on parlait un peu des joueurs, Jonathan Drouin déçoit énormément, mais moi, écoute, à quelque part, c'est ça Jonathan Drouin. Faut pas s'attendre à les gens qui pensent qu'il va être un joueur dominant et un joueur de concession, faut s'enlever ça de la tête. Je pense que quelque part, c'est ça Jonathan Drouin, puis ça sera pas plus. Ça sera jamais plus que ça. Moi, je pense qu'ils l'ont vendu de même dès le départ avec l'échange qu'ils avaient fait pour donner un très bon jeune défenseur. Donc, il fallait qu'il en mette pas mal. C'est sûr que Drouin, dans mon livre à moi, c'est pas un grand scoreur, c'est plus un fabricant de jeu. Il jouait quand même très bien depuis le début de l'année, je dois l'admettre. Moi, c'est pas un de mes joueurs mes favoris, mais je trouvais qu'il mettait beaucoup d'ardeur au travail. Depuis là, deux, trois semaines, là, c'est pas pareil. Des fois, il peut avoir des blessures, comme Weber, je pense qu'il y a une blessure. C'est sûr qu'ils n'iront pas le dire. Mais c'est sûr que Drouin est capable d'en donner plus. En jouant sa quatrième ligne, peut-être ça va le faire réfléchir ce soir, mais c'est certain que beaucoup de joueurs doivent mieux jouer. Et peut-être la perte de Gallagher a fait pas mal plus mal qu'on pensait. Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que le Canadien, quand même, en série, pourrait quand même causer certaines surprises. Parce qu'on sait jamais. Le hockey change. C'est pas du tout le même hockey. Il y a moins de pénalités, et ainsi de suite. Ben, moi, je pense que oui. Je l'ai dit au début de saison que je pensais que Montréal avait des très bonnes chances de gagner la Coupe Stanley. Ouais. Je le crois encore, même si ça va pas bien présentement. Ouais. C'est sûr que ça prend un Carey Price en pleine forme. Ça, c'est certain. Si Price n'est pas là, on oublie ça, c'est certain. Mais ils ont l'expérience, ils ont les joueurs. Je pense que le caractère est là aussi pour bien performer dans les séries. OK. Si on parlait un peu de Dominique Ducharme, comment tu... Dominique Ducharme, écoute, c'est un année important. Lui, il est en audition. Lui, si ça ne se replace pas, je pense que ça va être difficile pour lui. Ben, c'est sûr que c'est pas facile présentement. Comme il dit, il y a quand même les mains liées par rapport à pouvoir faire des changements. C'est sûr que je pense que s'il y aurait les mains pas liées, il ferait des changements. C'est certain, il passerait des messages. C'est pas facile présentement pour lui. Mais je suis confiant qu'il va redresser la barque. Puis je pense que ça va devenir un bon coach quand même là, dans la Ligue nationale. Ben Yves, merci beaucoup. On s'en parle bientôt. Parfait, merci. Au revoir.